Le comité de souvenir du camarade Kim Jong-il du territoire maritime de Russie est constitué le 7 décembre. Le comité a décidé d'organiser à l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il des cérémonies politico-culturelles concernant sa vie révolutionnaire sacrée et ses exploits immortels.